Le magasin d'antiquités, tome 1er, chapitre 15. Souvent, tandis que l'orpheline et son grand-père suivaient les rues silencieuses, dans la matinée de leur départ, l'enfant éprouvait un mélange d'espérance et de crainte lorsque, dans une figure éloignée et que la distance rendait à peine visible, son imagination lui retraçait quelques ressemblances avec le brave Kit. Assurément, elle se fût empressée de lui donner la main et l'eût remercié de ce qu'il lui avait dit dans leur dernière rencontre. Et cependant, c'était pour elle une satisfaction de trouver, quand la personne entrevue était plus proche, que ce n'était point lui, mais un étranger. Car, lors même qu'elle n'eût pas eu à redouter l'effet qu'eût produit sur le vieillard l'apparition de Kit, elle sentait qu'un adieu adressé à quelqu'un, et surtout à l'être qui avait été pour elle si bon et si dévoué, était plus qu'elle n'en pouvait supporter. C'était bien assez de laisser derrière elle tant d'objets muets, également insensibles à son affection et à son chagrin. Mais si, dès le début de ce triste voyage, il lui eût fallu prendre congé de son unique ami, son cœur se fût brisé. D'où vient que nous supportons mieux les douleurs morales d'une séparation que l'émotion physique d'un adieu? D'où vient que nous ne nous sentons pas le courage de prononcer le mot quand nous avons la force de vivre à distance de ce que nous aimons? À la veille de longs voyages ou d'une absence de plusieurs années, des amis tendrement unis se sépareront en échangeant le regard accoutumé, la poignée de main habituelle, en convenant d'une dernière entrevue pour le lendemain, tandis que chacun sait bien que ce n'est là qu'un subterfuge, un moyen factice de s'épargner mutuellement la peine de prononcer le mot d'adieu et que l'entrevue n'aura pas lieu. La possibilité serait-elle donc plus pénible à supporter que la certitude? Car enfin, nous n'évitons pas nos amis mourants. Et si nous n'avions pas dit formellement adieu à quelqu'un d'entre eux, de toutes les forces de notre plus tendre affection, ce serait souvent pour nous un sujet d'amertume aussi durable que la vie. La lumière du matin répandait l'animation sur la ville. Là où durant la nuit il n'y avait eu qu'ombre sinistre, il y avait maintenant comme un sourire. Les rayons du soleil étincelaient en se jouant sur les croisées de chaque chambre. Pénétrant à travers les rideaux et les draperies jusqu'aux yeux des dormeurs, ils éclairaient même les rêves et donnaient la chasse aux ténèbres de la nuit. Dans leurs volières échauffées, mais encore fermées, encore sombres en partie, les oiseaux sentaient l'aube venir, et, au sein de leurs petites cellules, ils s'agitaient et battaient des ailes. Les souris aux yeux brillants regagnaient leurs étroites retraites où elles se blottissaient timidement. La chatte du logis, aux beaux poils lustrés, oubliant de poursuivre sa proie, suivait de son œil clignotant les rayons qui passaient par le trou de la serrure et les fentes de la porte, près de laquelle elle se tenait assise, attendant impatiemment l'instant où elle pourrait se glisser à la dérobée et aller se mettre en espalier au soleil. De plus nobles animaux, confinés dans leur loge, se tenaient immobiles contre les barreaux et regardaient d'un œil où brillait le souvenir des vieilles forêts, les branches qui s'agitaient et le rayon solaire qui pénétrait par quelques petites croisées. Puis ils reprenaient, dans leur course monotone, le chemin dont leurs pieds captifs avaient déjà marqué la trace sur le plancher de leur cage, usés par leurs pas impatients. Puis ils s'arrêtaient encore et se mettaient à regarder de nouveau à travers leurs grilles. Les prisonniers, dans leurs cachots, étendaient leurs membres resserrés par le froid et maudissaient la pierre humide que le soleil ne venait jamais échauffer. Les fleurs, après leur sommeil de la nuit, ouvraient leurs plus belles corolles et les tournaient vers le jour. La lumière, âme de la création, était répandue partout et tout reconnaissait sa loi. Les deux pèlerins, se pressant souvent la main ou échangeant soit un sourire, soit un regard amical, poursuivaient leur chemin en silence. Par cette matinée, si éclatante et si belle, il y avait quelque chose de solennel à voir les rues, longues et désertes, véritables corps sans âme, n'offrant plus que l'image d'un néant uniforme qui les rendait toutes semblables les unes aux autres. À cette heure matinale, tout était si calme et si tranquille que le peu de pauvres gens qui se croisaient dans les rues semblaient perdus dans ce cadre brillant, comme les lampes mourantes qu'on avait laissées brûler, çà et là, noyaient leur lueur impuissante dans les rayons glorieux du soleil. Nelly et le vieillard n'avaient pas pénétré bien avant dans le labyrinthe des rues qui s'étendaient entre eux et les faubourgs, quand la scène commença à se transformer et le bruit à revenir avec le mouvement. Quelques charrettes isolées, quelques fiacres rompirent le charme. D'autres suivirent. Il en vint un plus grand nombre, et enfin ce fut à l'infini. D'abord, c'était une nouveauté de voir s'ouvrir la montre d'un marchand. Bientôt, ce fut une rareté d'en voir une seule fermée. La fumée commença à monter doucement du fait des cheminées. Les châssis des croisées furent levés et assujettis. Les portes s'ouvrirent. Les servantes, ne regardant que leur balai, firent voler d'épais nuages de poussière dans les yeux des passants sans crier gare, ou bien elles écoutaient d'un air mélancolique les laitières qui leur parlaient des foires de campagne, des charrettes remisées sur les places, avec des toiles et des rideaux, tous les attributs de la fête enfin. Et par-dessus le marché, de galants bergers qu'elles allaient trouver en chemin pour la danse. Ayant traversé ce quartier, l'enfant et le vieillard entrèrent dans les rues de commerce et de grand trafic, fréquentées par une foule considérable et où déjà régnait beaucoup d'activité. Le vieillard regarda autour de lui avec un tressaillement plein d'effroi, car c'était précisément l'endroit qu'il avait à cœur de fuir. Il posa un doigt sur sa bouche et entraîna Nelly par des cours étroites et des ruelles tortueuses. Il ne parut recouvrer sa tranquillité que lorsqu'ils eurent laissé bien loin ce quartier. Souvent, il se retournait pour regarder en arrière, disant à demi-voix « Le meurtre et le suicide sont blottis dans chacune de ces rues. Ils nous suivront s'ils nous sentent. Nous ne saurions fuir trop vite. » De ce quartier, ils arrivèrent, dans le voisinage, à des habitations éparses, misérables maisons qui, divisées en chambres étroites et ayant leurs croisées rapiécées avec des chiffons et du papier, indiquaient assez qu'elles servaient d'abri à la pauvreté populeuse. Dans les boutiques, on vendait des objets tels que la misère seule pouvait en acheter. Les vendeurs et les acheteurs ne valaient pas mieux les uns que les autres. Il y avait d'humbles rues où l'élégance ruinée essayait, sur un petit théâtre et avec des débris, de faire encore un reste de figure. Mais le percepteur des contributions et le créancier savaient bien les déterrer là comme partout ailleurs. Et la pauvreté, qui faisait encore un semblant de résistance, était à peine moins hideuse et moins manifeste que celle qui, depuis longtemps résignée, avait abandonné la partie. Venait ensuite une vaste, vaste étendue, offrant le même caractère, car les humbles goujats qui suivent le camp de l'opulence viennent planter leur tente autour d'elle, de bien loin à la ronde. Une vaste étendue qui ne faisait guère meilleure mine, des maisons pourries d'humidité, la plupart à louer, beaucoup en construction, beaucoup à moitié déjà en ruine avant d'être construites, des logements de nature à faire hésiter la pitié entre ceux qui les louaient et ceux qui s'y établissaient comme locataires, des enfants mal nourris et à peine vêtus, pullulant dans chaque rue et se vautrant dans la poussière, des mères criardes traînant avec bruit sur le pavé leurs savates, des pères en haillons courant avec l'air découragé vers le travail qui leur donnera peut-être le pain de la journée et peu de choses avec, des tourneuses de cylindres à lessive, des blanchisseuses, des savetiers, des tailleurs, des fabricants de chandelles exerçant leur industrie dans les parloirs, les cuisines, les arrière-boutiques, jusque dans les galetas, et quelquefois se trouvant tous entassés sous le même toit, des briqueteries bordant des jardins palissades, avec des douves de vieilles barriques ou avec des charpentes qu'on a enlevées de maisons incendiées et qui ont gardé l'empreinte noire et les cicatrices du feu, des monceaux d'herbes marécageuses arrachées des bassins, de l'ortie, du chien dent, des écailles d'huîtres, tout cela entassé en désordre. Enfin, de petites chapelles dissidentes où l'on prêche avec assez d'à-propos sur les misères de la terre, sans avoir besoin d'aller chercher bien loin des exemples, et quantité d'églises neuves, du culte épiscopal, érigées avec un peu plus de somptuosité, pour montrer aux gens qui habitent cet enfer le chemin du paradis. Ces rues finirent par devenir plus disséminées, jusqu'au moment où elles aboutirent à de petits carrés de jardin, bordant la route, avec mainte habitation d'été, vierge de toute peinture, et construite, soit avec de vieilles poutres, soit avec des débris de bateaux, aussi verts que les grosses tiges de choux qui croissaient en ce lieu. Les jointures de ces maisons servaient de couches à des champignons sauvages, et elles étaient entaillées de clous. Venaient ensuite, deux par deux, des cottages coquets, ayant par devant un terrain, de côté des bordures serrées de buis, avec d'étroites allées où jamais un pied ne se hasardait à fouler le sable. Puis, ce fut le cabaret, fraîchement peint de vert et blanc, avec les jardins où l'on prend le thé, et un boulingrin, fier de son auge, devant laquelle s'arrêtaient les charrettes, puis ce furent les champs. Puis quelques maisons isolées, bien situées, avec des pelouses, plusieurs même ayant une loge gardée par un portier et sa femme. À ce panorama succéda une barrière de péage. Les champs s'étendirent de nouveau avec leurs arbres et leurs meules de foin. Une colline s'éleva, du haut de laquelle le voyageur pouvait, en se retournant, contempler, à travers la fumée, le mirage du vieux Saint-Paul, et voir la croix se découper sur les nuages, si, par hasard, le jour était pur et briller au soleil. C'était là que le voyageur, fixant ses yeux sur cette Babel, d'où s'élevait le dôme majestueux, jusqu'à ce que son regard eût embrassé l'extrémité de cet amas de briques et de pierres, maintenant à ses pieds, sentait enfin qu'il était délivré de Londres. Ce fut en un lieu de ce genre, dans une agréable prairie, que s'arrêtèrent le vieillard et son jeune guide, si l'on peut donner le nom de guide, à celle qui ignorait où ils allaient. Nelly avait pris la précaution de garnir son panier de quelques tranches de pain et de viande, et ils firent en cet endroit leur frugal déjeuner. La fraîcheur du matin, le gazouillement des oiseaux, la beauté de l'herbe ondoyante, l'épaisseur des ombrages, les couleurs des fleurs sauvages et les mille parfums, les mille bruits harmonieux qui remplissaient l'air, produisirent sur nos pèlerins une impression profonde et les rendirent heureux. Ah, ce sont de grandes joies pour la plupart d'entre nous, mais surtout pour ceux dont l'existence s'use au sein de la foule, ou bien qui passent leur vie isolée au fond des capitales, comme un seau dans un puits humain. Déjà, avant le départ, l'enfant avait dit ses naïves prières avec plus de ferveur que jamais. Mais en présence de cet ensemble vivifiant, ses prières s'échappèrent une seconde fois de ses lèvres. Le vieillard ôta son chapeau. Les paroles consacrées étaient sorties de sa mémoire, mais il dit « Amen ». Et tous deux se sentirent contents. Chez eux, il y avait autrefois une planche, un vieil exemplaire de la marche des pèlerins, avec de bizarres dessins. Souvent, Nelly était restée des soirées entières à y tenir ses regards attachés, se demandant si tout cela était bien exact, et où pouvaient se trouver ces contrées lointaines avec leurs noms curieux. En se tournant vers le chemin qu'elle venait de suivre, une partie de ce souvenir revint frapper son esprit. « Mon cher grand-papa, dit-elle, sauf que le lieu où nous sommes est plus agréable et bien autrement bon que celui du livre, s'il présente quelque analogie avec notre voyage, je trouve que nous sommes comme les deux chrétiens. Nous avons laissé sur ce gazon, pour ne plus les reprendre jamais, les soucis et les peines que nous avions apportés avec nous. Non, jamais, jamais nous ne retournerons là-bas, jamais, dit le vieillard, étendant sa main vers la ville. Toi et moi, Manelli, nous en sommes affranchis. Ah, ils ne nous y reprendront plus. Êtes-vous fatigué? Demanda l'enfant. Êtes-vous sûr que cette longue marche ne vous rendra point malade? Je ne suis plus malade, maintenant que nous sommes loin de Londres. Nel, remettons-nous en route. Il faut aller plus loin encore. Loin, bien loin. Nous sommes trop près pour nous arrêter et nous reposer. Marchons. Il y avait dans le pré une flaque d'eau limpide où Nelly se lava le visage et les mains et se rafraîchit les pieds avant de poursuivre le voyage. Elle voulut que le vieillard en fît autant. Docile à son invitation, il s'assit sur l'herbe. L'enfant le lava avec ses petites mains et procéda à la toilette de son grand-père. « Ma chérie, disait celui-ci, je ne puis plus me servir moi-même. J'ignore comment je le pouvais autrefois, mais c'est fini. Ne me quitte pas, Nel. Dis que tu ne me quitteras pas. Je t'ai toujours aimé. Si je te perdais aussi, mon enfant, je n'aurais plus qu'à mourir. » Il appuya en gémissant sa tête sur l'épaule de Nelly. Autrefois, et même peu de jours auparavant, Nelly eût été impuissante à retenir ses larmes, et elle eût pleuré avec son grand-père. Mais en ce moment, elle le calma par ses douces et tendres paroles. Elle sourit en l'entendant supposer qu'ils pussent jamais se séparer, et tourna cette idée en plaisanterie. Le vieillard, rassuré, s'endormit en murmurant une chanson comme un petit enfant. À son réveil, il se trouva bien reposé. Les voyageurs se remirent en marche. Le chemin était enchanteur. Ils traversaient de belles prairies et des champs de blé au-dessus desquels l'alouette, se balançant dans l'espace azuré du ciel, jetait avec gaieté son heureuse chanson. L'air était chargé des senteurs qu'il avait recueillies sur son passage, et les abeilles, portées par le souffle embaumé du zéphyr, exprimaient leur satisfaction par un bourdonnement monotone. Le vieillard et Nelly se trouvaient en pleine campagne. Les maisons qu'ils apercevaient étaient peu nombreuses et semées à de larges distances, souvent à 1 mille l'une de l'autre. De temps en temps, il trouvait un groupe de pauvres chaumières, ayant, pour la plupart, un siège ou une balancelle devant la porte ouverte pour empêcher les enfants d'aller sur la route. Les autres étaient hermétiquement fermés, tandis que la famille entière travaillait aux champs. C'était souvent le commencement d'un petit village, puis venait le hangar d'un charron ou la forge d'un maréchal. Ensuite, une ferme opulente, avec ses vaches couchées nonchalamment sur l'herbe, avec ses chevaux regardant par-dessus le mur à hauteur d'appui et décampant lestement, comme pour faire parade de leur liberté, lorsque d'autres chevaux attelés passaient sur la route. On y voyait encore d'épais pourceaux fouillant le sol pour trouver quelques méfriants et poussant leurs grognements monotones tandis qu'ils rôdaient seuls ou se croisaient dans leur poursuite. Des pigeons dodus effleurant le toit dans leur vol circulaire ou s'y posant avec grâce. Des canards et des oies qui se croyaient sans doute bien autrement gracieux, se dandinant lourdement le long des bords de la mare ou glissant à la surface de l'eau. Après la ferme se présentait une modeste auberge, puis le cabaret, plus modeste encore, puis la maison du marchand forain, puis celle du procureur et celle du curé, deux noms qui font trembler le cabaretier. Puis l'église, qui s'élevait modestement derrière un bouquet d'arbres, puis quelques autres chaumières, puis la fourrière, et çà et là, au bord du chemin, un vieux puits couvert de poussière. Enfin, après avoir passé entre des champs bordés de haies, ils revirent la grande route. Ils marchèrent toute la journée et s'arrêtèrent la nuit dans une chaumière où on louait des lits aux voyageurs. Le lendemain matin, ils recommencèrent leur course pédestre et, bien qu'exténués de fatigue, ils ne tardèrent pas à se remettre et à s'avancer d'un pas vif et soutenu. Souvent, ils faisaient halte pour se reposer, mais ce n'était que durant quelques minutes. Puis ils repartaient, n'ayant pris, depuis le matin, qu'une légère collation. Il était près de 5 heures de l'après-midi, quand, arrivé à un nouveau hameau, l'enfant se mit à regarder attentivement dans chacune des chaumières avant de se décider à solliciter quelque part la permission de prendre un peu de repos et d'acheter une mesure de lait. Le choix ne lui était pas facile, car Nelly était timide et craignait un refus. Ici, il y avait un enfant qui criait. Là, une femme qui grondait avec colère. Ici, les habitants semblaient trop pauvres. Là, ils étaient trop nombreux. Enfin, Nelly s'arrêta devant une maison où la famille entourait la table. Ce qui la détermina, ce fut d'y voir un vieillard assis à côté du foyer dans un fauteuil garni de coussins. Elle pensa que c'était aussi un grand-papa et qu'alors il s'intéresserait au sien. Il y avait, outre ce vieillard, le maître de la chaumière, sa femme et 3 jeunes enfants solides, bruns comme des baies d'automne. La demande de Nelly fut aussitôt agréée que présentée. L'aîné des enfants courut dehors pour aller chercher du lait, le second traîna 2 escabeaux vers la porte et, quant au dernier, il s'accrocha à la jupe de sa mère et regarda les étrangers par-dessous sa main brûlée par le soleil. « Dieu vous assiste, monsieur, » dit le vieux paysan d'une voix bien distincte. « Allez-vous loin ?»« Oui, monsieur, fort loin, » répondit l'enfant que son grand-père avait invité à parler. « Vous venez de Londres ?» Nelly répondit affirmativement. « Ah, » reprit le vieux paysan, « j'ai été à Londres plus d'une fois. J'y étais souvent avec ma charrette. Voilà près de 32 ans que j'y étais pour la dernière fois, et j'ai entendu dire qu'il y avait de grands changements. Ce n'est pas étonnant, je suis bien changé moi-même depuis ce temps, 32 ans, c'est beaucoup. Et 84 ans, c'est un grand âge, quoique j'en ai connu un qui a bien vécu près de 100 ans, et qui n'était pas aussi fort que moi, oh, oh non, loin de là. Asseyez-vous dans le fauteuil, ajouta le vieux paysan, en frappant son bâton sur le pavé de briques le plus vigoureusement qu'il put. Prenez-moi une pincée de ce tabac, j'en use peu car il est cher, mais je trouve que ça me réveille de temps en temps. Vous, vous n'êtes qu'un enfant près de moi, mais j'avais un fils qui serait maintenant environ de votre âge s'il eût vécu. Il s'enrôla comme soldat, il revint cependant à la maison, mais il n'avait plus qu'une jambe. Il disait toujours qu'il voulait être enterré près du cadran solaire, sur lequel il avait l'habitude de grimper quand il était tout petit. C'est ce qu'on a fait, mon pauvre fils, ses désirs ont été remplis. Vous pouvez voir d'ici la place où il repose. Nous y avons toujours depuis entretenu du gazon frais. Il secoua la tête et regardant sa fille avec des yeux humides. N'ayez pas peur, lui dit-il, je ne parlerai plus de cela. Car il ne voulait affliger personne, et si ses paroles avaient fait de la peine à quelqu'un, il en demandait pardon, après tout. Le lait arriva, et Nelly, ouvrant son petit panier, y choisit les meilleurs morceaux de pain pour son grand-père. Ils firent ainsi un bon repas. Les meubles qui garnissaient la chambre étaient naturellement très simples. Quelques chaises grossières et une table, un buffet placé dans un coin avec sa garniture de faïence et de terre jaune. Un plateau à thé de couleurs éclatantes représentant une dame en robe rouge avec une ombrelle bleue. Sur les murs et au-dessus de la cheminée, un petit nombre de cadres offrant des sujets coloriés tirés de l'écriture sainte. Une étroite armoire à habits, une horloge marchant 8 jours, quelques casseroles bien luisantes et un chaudron. Voilà tout le mobilier. Mais tout y était propre et en bon état, et Nelly, en regardant autour d'elle, trouvait un air de tranquillité, d'aisance et de satisfaction, auquel, depuis longtemps, elle n'était plus accoutumée. « Combien y a-t-il d'ici à la ville ou au village le plus prochain ? » demanda-t-elle au mari de la paysanne. « Il y a bien 5 bons milles de distance. » Mais je pense que vous ne voulez pas y arriver ce soir. Si, si, Nell, dit vivement le vieillard en faisant des signes à l'enfant. Plus loin, quand nous devrions marcher jusqu'à minuit. Il y a tout près d'ici, mon brave homme, reprit le paysan, une bonne grange. Ou bien encore il y a, j'en suis sûr, de quoi vous loger à l'auberge de la Charrue et de la Herse. Excusez-moi, mais vous me semblez un peu fatigué. Et à moins que vous n'ayez besoin de partir. Oui, oui, dit brusquement le vieillard, nous sommes pressés. Plus loin, ma chère Nell, je t'en prie, allons plus loin. C'est cela, partons, dit l'enfant, se soumettant à ce vœu impatient. Nous vous remercions bien, mais nous ne saurions nous arrêter si tôt. Grand-papa, je suis prête. La paysanne avait remarqué, à la démarche de Nelly, qu'un des petits pieds de la jeune fille était endolori par des ampoules. Femme et mère, elle ne voulut pas que la pauvre souffrante s'éloignât avant de lui avoir bassiné la place malade et d'y avoir appliqué quelques remèdes simples, ce qu'elle fit avec toute la bonne grâce possible et d'une main attentive et légère, quelque rude que fût la peau de cette main charitable. Nelly avait le cœur trop pénétré, trop plein, pour pouvoir dire autre chose que son fervent « Dieu vous bénisse !» Et ce ne fut qu'au bout de quelque temps, après sa sortie de la chaumière, qu'elle eut la force de se retourner et d'ouvrir les lèvres. En ce moment, elle vit la famille tout entière, y compris même le vieux grand-père, debout sur le chemin, suivant du regard ses hôtes qui s'éloignaient. De part et d'autre, on s'envoya un adieu en échangeant de la main et de la tête des signes mutuels d'amitié, et, du côté de Nelly assurément, cet adieu ne fut pas sans quelques larmes. Ils reprirent leur voyage, mais plus lentement, plus péniblement qu'ils n'avaient fait jusqu'alors. Ayant parcouru 1 mille environ, ils entendirent derrière eux un bruit de roues, et, s'étant retournés, ils virent une charrette vide qui arrivait d'un assez bon train. En les rejoignant, le conducteur arrêta son cheval et dit avec empressement à Nelly. « N'est-ce pas vous qui vous êtes reposés à la maison, là-bas ?»« Oui, monsieur, » répondit-elle. « Bien, ils m'ont prié d'avoir l'œil sur vous. Mon chemin est le vôtre. Allons, la main. Montez, mon maître. » Cette invitation fut un grand soulagement pour Nelly et le vieillard, car, fatigués comme ils l'étaient, ils eussent eu peine à se traîner bien loin. La charrette, avec ses rues de chaos, fut pour eux un luxueux équipage, le plus délicieux moyen de transport qu'il y eût au monde. À peine Nelly s'était-elle assise dans un coin, sur un petit tas de paille, qu'elle s'y endormit. C'était son premier somme depuis le matin. La charrette s'étant arrêtée, au moment où elle allait tourner pour s'engager dans un chemin de traverse, cette halte réveilla Nelly. Le conducteur s'empressa de mettre pied à terre pour l'aider à descendre et, montrant aux voyageurs quelques arbres à peu de distance, il leur dit que le bourg était de ce côté et que ce qu'ils avaient de mieux à faire, c'était de suivre un sentier qui les y conduisait en traversant le cimetière. Ce fut donc de ce côté qu'ils dirigèrent leurs pas fatigués.